Mais non contente de ses préludes, Phoeb tenta le point principal, en insinuant par gradation son index jusqu'au vif, ce qui m'aurait sans doute fait sauter hors du lit et crier au secours si elle ne s'y était pas prise aussi doucement qu'elle le fit. Ces attouchements avaient allumé dans tout mon corps un feu nouveau, qui s'était principalement concentré dans le point central, où des mains étrangères s'égarèrent pour la première fois, tantôt me pinçant, tantôt me caressant, jusqu'à ce qu'un hélas profond eût fait connaître à Phoeb qu'elle louchait à ce passage étroit et inviolé, qui lui refusait une entrée plus libre. Enfin, cette libertine triompha. Je restais entre ses bras dans une espèce d'anéantissement si délectable que j'aurais souhaité qu'il ne cessât jamais. « Ah !» s'écriait-elle en me tenant toujours serré. « Que tu es une aimable enfant ! Quel sera le mortel assez heureux pour te rendre femme ? Dieu, que ne suis-je homme ! » Elle interrompait ses expressions, entrecoupées par les baisers les plus brûlants et les plus lascifs que j'ai reçus de ma vie. J'étais si transportée, mes sens étaient tellement confondus que je serais peut-être expirée si des larmes délicieuses qui m'échappèrent dans la vivacité du plaisir, n'eussent en quelque manière calmé le feu dont je me sentais dévorée. Phoeb, l'impudique Phoeb, à qui tous les genres et toutes les formes de plaisir étaient connus, avait pris, selon toute apparence, ce goût bizarre en éduquant de jeunes filles. Ce n'était pas néanmoins qu'elle eût de l'aversion pour les hommes, qu'elle ne les préférait à notre sexe. Mais un penchant insupportable pour les plaisirs les lui faisait prendre indistinctement, de quelque façon qu'ils se présentassent. Rien, en un mot, n'étant capable de la rassasier, elle jeta tout à coup le drap au pied du lit, et je me trouvai la chemise au-dessus des épaules, sans que j'eusse la force de me dérober à ses regards. Il faut dire que ma brûlante rougeur provenait plutôt du désir que de la modestie. Cependant, la chandelle brûlante encore à coup sûr, non sans dessein, jetait sa pleine lumière sur tout mon corps. « Non, me disait-elle, ma chère poulette, il ne faut pas songer à me dérober tous ces trésors. Il faut que je satisfasse ma vue aussi bien que le toucher. Je veux dévorer des yeux cette gorge naissante. Laisse-la moi baiser. Je n'ai point assez considéré. Que je la baise encore une fois. Ciel, quelle chair douce et ferme, quelle blancheur, quel contour délicat. Oh, le charme en duvet, de grâce souffre, que je vois tout. C'en est trop, je n'en puis plus. Il faut. » Ici, elle se saisit de ma main et la porta à l'endroit que l'on sait. Mais que les mêmes choses sont quelquefois différentes. Une épaisse et forte toison couvrait une énorme solution de continuité. Je crus que je m'y perdrais tout entière. Cependant, après s'être bien démenée, son ardeur se ralentit. Elle soupira profondément, et me tenant toujours étroitement serrée entre ses bras, elle semblait, par ses baisers redoublés, attirer nos âmes sur nos lèvres brûlantes et collées ensemble. Ensuite, elle lâcha mollement prise, se remit à mon côté, éteignit la chandelle et retira sur nous la couverture. J'ignore le plaisir dont elle jouit, mais je sais bien que je goûtais cette nuit pour la première fois les transports de la nature. Que les premières idées de la corruption s'emparèrent de mon cœur, et que j'éprouvais en outre que la mauvaise compagnie d'une femme n'est pas moins fatale à l'innocence que la séduction des hommes. Mais continuons. Lorsque la passion de Phoeb fut assouvie, et qu'elle goûtait un calme dont je me trouvais bien éloignée, elle me sonda artificieusement sur tous les points qu'elle crut de l'intérêt de sa vertueuse maîtresse, et conçut, par mes réponses, par mon ignorance et par la chaleur de mon tempérament, les espérances les plus flatteuses. Après un dialogue assez long, ma compagne de lit me laissa à moi-même, si bien que, fatiguée par les violentes émotions que j'avais souffertes, je m'endormis sur le champ. Et dans un de ces songes lubriques que les feux du plaisir font naître, je réalisais mes transports à peine inférieurs pour la jouissance à ceux de l'acte réel dans l'état de veille. Chère Madame Brown, l'aventure du cabinet. Je m'éveillai le matin à 10 heures, très gaie et parfaitement reposée. Phoebe, debout avant moi, eut soin de ne faire aucune allusion aux scènes de la nuit. À ce moment, la servante apporta le thé, et je m'empressai de m'habiller. Quand Madame Brand entra en se dandinant, je tremblais qu'elle ne me grondât de m'être levée si tard. Mais tout au contraire, elle me mangea de caresses et me dit les choses du monde les plus flatteuses. Nous déjeunâmes, et le thé à peine desservi, on se mit à m'équiper promptement pour me faire paraître avec décence devant un des chalands de la maison, qui attendait déjà que je fusse visible. Imaginez combien mon cœur dut s'enfler de joie à la vue d'un taffetas blanc broché d'argent qui avait, à la vérité, subi un nettoyage, d'un chapeau en dentelle de Bruxelles, de bottines brodées et le reste à l'avenant. Je puis dire, sans vanité, que, malgré tous les soins que l'on prit à me parer, la nature faisait mon plus grand ornement. J'étais d'une taille avantageuse et faite au tour. J'avais les cheveux blonds cendres luisants qui flottaient sur mon cou en boucles naturelles. La peau était d'un blanc à éblouir. Les traits du visage, un peu trop colorés, avaient de la délicatesse et de la régularité. J'avais de grands yeux noirs pleins de langueur plutôt que de feu, si ce n'est en de certaines occasions où, disait-on, ils lançaient des éclairs. J'avais au menton une fossette qui était loin de produire un effet désagréable. Mes dents, desquelles j'avais toujours eu grand soin, étaient petites, égales et blanches. Ma poitrine était haute et bien attachée. On pouvait y voir la promesse, plutôt que la réalité de ces seins ronds et fermes qui, avant peu, devaient justifier cette promesse. En un mot, toutes les conditions les plus généralement requises pour la beauté, je les possédais. Ou du moins, ma vanité m'empêchait de contredire la décision de nos souverains juges, les hommes, qui tous, à ma connaissance, se prononçaient hautement en ma faveur. Dans mon sexe même, je rencontrais des femmes d'un caractère trop élevé pour me refuser cette justice, tandis que d'autres me louaient encore bien plus sûrement, en essayant de m'enlever ce que j'avais de mieux dans ma personne et sur mon visage. En voilà trop, je l'avoue, beaucoup trop en fait, d'éloges de moi-même. Mais je serais ingrate envers la nature, envers une beauté à laquelle je dois de si extraordinaires avantages, en tant que plaisir et fortune. Si je m'étais, par fausse modestie, de mentionner des biens si précieux. Aussitôt ma toilette achevée, nous descendîmes, et Madame Brand me présenta un vieux cousin de sa propre création, un gentleman qui, après m'avoir salué, m'appuya sur la bouche un baiser dont je l'aurais volontiers dispensé. En effet, on ne pouvait guère voir une plus désagréable figure. Que l'on se représente un homme de 60 ans passés, petit et contrefait, de couleur de cadavre, avec de gros yeux de bœuf, une bouche fendue jusqu'aux oreilles, garnie de 2 ou 3 défenses au lieu de dents, une haleine pestilentielle, enfin un monstre dont le seul aspect faisait horreur. C'était là le gentleman à qui ma bienfaitrice, son ancienne pourvoyeuse, me destinait. Suivant ce beau projet, elle me fit tenir droite devant lui, me tourna tantôt d'une façon, tantôt de l'autre, et, détachant mon mouchoir, lui fit remarquer les mouvements, la forme et la blancheur de ma gorge. Quand on crut le bouc suffisamment prévenu par cet échantillon de mes charmes, Phoebe me reconduisit à ma chambre, et, ayant fermé la porte, elle me demanda mystérieusement si je ne serais pas bien aise d'avoir un aussi beau gentleman pour mari. Je suppose qu'on lui donnait le titre de beau parce qu'il était chamarré de dentelle. Je répondis naïvement que je ne songeais point au mariage, mais que si jamais j'avais un choix à faire, ce serait parmi les gens de ma sorte, me figurant que tous les beaux gentlemen étaient faits sur le modèle de ce hideux animal. Tandis que Phoebe employait sa rhétorique à me persuader en sa faveur, Madame Brand, ainsi que j'ai ouï dire depuis, l'avait taxée à 50 guinées pour la seule permission d'avoir un entretien préliminaire avec moi, et à 100 de plus au cas qu'il obtint l'accomplissement de ses désirs, le laissant maître de me récompenser comme il le jugerait à propos. Le marché fut à peine conclu qu'il prétendit qu'on lui livra la marchandise sur le champ. On eut beau lui représenter que je n'étais pas encore préparé à une pareille attaque, qu'il fallait tâcher de m'apprivoiser avant de brusquer les choses, que, timide et jeune comme je l'étais, on risquerait de m'effaroucher et de me rebuter par trop de précipitation. Discours inutile. Tout ce qu'on put obtenir de lui fut qu'il patienterait jusqu'au soir. Pendant le dîner, mes deux embaucheuses ne cessèrent d'exalter le merveilleux cousin. J'avais eu le bonheur de le rendre sensible dès la première vue. Il me ferait ma fortune si je voulais être bonne fille et ne point écouter mes caprices. Que je pouvais compter sur son honneur, que je serais au niveau des plus grandes dames. J'aurais un carrosse pour me promener. Elles ajoutèrent à ces fastidieux propos maintes autres bêtises capables de tourner la tête d'une pauvre innocente telle que moi, si l'aversion insurmontable que j'avais pour lui n'eût rendu leur babil sans effet. La bouteille aussi allait grand train, afin, je suppose, de trouver un auxiliaire dans la chaleur de mon tempérament pour l'assaut qui se préparait. La séance fut si longue qu'il était environ 7 heures quand nous sortîmes de table. Je montai à ma chambre. Le thé fut bientôt servi. Notre vénérable maîtresse entra, escortée de mon effroyable satyre. L'introduction faite, on prit le thé. Puis, lorsqu'il fut desservi, elle me dit qu'une affaire de la dernière importance la forçait de nous quitter, que je l'obligerais sensiblement de vouloir bien tenir compagnie à son cher cousin jusqu'à son retour. « Pour vous, monsieur, ajouta-t-elle, songez, par vos attentions et vos bonnes manières, à vous rendre digne de l'affection de cet aimable enfant. Adieu, ne vous ennuyez point. » En proférant ces derniers mots, la perfide était déjà presque au bas de l'escalier. Je m'attendais si peu à ce départ précipité que je tombais sur le canapé, comme pétrifié. Le monstre se mit aussitôt près de moi et voulut m'embrasser. Son haleine infecte me fit évanouir. Alors, profitant de l'état où j'étais, il me découvrit brusquement la gorge, qu'il profana de ses regards et de ses attouchements impurs. Encouragé par cet heureux début, l'infâme m'étendit de mon long et eut l'audace de glisser une de ses mains sous mes jupes. Cette outrageante tentative me rappela à la vie. Je me relevai avec promptitude et le suppliai, fondant en larmes, de ne me faire aucune insulte. « Qui ? Moi, ma chère ? » dit-il. « Vous faire insulte ? Ce n'est pas mon intention. » « Est-ce que la vieille dame ne vous a pas appris que je vous aime, que je suis dans le dessein de... »« Je sais cela, monsieur, » interrompis-je, « mais je ne saurais vous aimer. Sincèrement, je ne le puis. De grâce, laissez-moi. Oui, je vous aimerais de tout mon cœur, si vous voulez me laisser et vous en aller. » C'était parler en l'air. Mes pleurs ne servirent qu'à l'enflammer davantage. Il m'étendit de nouveau sur le canapé, et après avoir jeté mes jupes par-dessus la tête, le vilain rit, en souillant et mugissant comme un taureau, des efforts qui se terminèrent par une libation involontaire. Ce bel exploit achevé, il me vomit dans sa rage toutes les horreurs imaginables, disant qu'il ne me ferait pas l'honneur de s'occuper davantage de moi, que la vieille maquerelle pouvait chercher un autre pigeon, qu'il ne serait plus ainsi dupé par une bégueule de campagnard. Qu'il pensait bien que j'avais donné mon pucelage à quelques manants de mon pays et que je venais vendre mon petit lait à la ville. J'écoutais toutes ces insultes avec d'autant plus d'indifférence que je me flattais de n'avoir rien à redouter de ces brutales entreprises. Cependant, les pleurs qui coulaient de mes yeux, mes cheveux épais, mon bonnet était tombé dans la lutte, ma gorge nue, en un mot, le désordre attendrissant où j'étais, ranimèrent sa luxure. Il radoucit le ton et me dit que si je voulais me prêter de bonne grâce avant que la vieille revînt, il me rendrait son affection. En même temps, il se mit en devoir de m'embrasser et de porter la main à mon sein. Mais la crainte et la haine me tenant lieu de force, je le repoussai avec une violence extrême. Et m'étant saisie de la sonnette, je la secouai tant que la servante monta voir ce qu'il y avait, si le gentleman demandait quelque chose. Quoique Martha fût accoutumée dès longtemps aux scènes de cette espèce, elle ne put me voir ensanglantée et chiffonnée comme je l'étais, sans émotion, de sorte qu'elle le pria immédiatement de descendre et de me laisser reprendre mes sens, lui promettant que Madame Brand et Phoebe rajusteraient les choses à leur retour, qu'il n'y aurait rien de perdu pour laisser respirer un peu la pauvre petite, qu'en son particulier, elle ne savait que penser de tout ceci, mais qu'elle ne me quitterait pas que sa maîtresse ne fût rentrée. Le vieux singe, voyant qu'il serait inutile de persister, sortit de la chambre, plein de rage, et me délivra de son abominable figure. Après son départ, Martha jugea, au pitoyable état où j'étais, que j'avais besoin de repos, et m'offrit en conséquence quelques gouttes d'ammoniac et de me mettre au lit. Ce que je refusais, par la crainte que me donnait le retour du monstre qui venait de me quitter. Cependant, Martha me persuada si bien que je me couchais, en proie au plus vif chagrin, et agité par la cruelle inquiétude d'avoir déplu à Madame Brown, dont je redoutais la vue, tant était grande ma simplicité, car ni la vertu, ni la modestie n'avaient eu aucune part dans la défense que j'avais faite. Elle provenait uniquement de l'aversion que m'avait inspirée la brutalité de l'horrible séducteur de mon innocence. Les deux appareilleuses rentrèrent à 11 heures du soir, et sur le récit que ma libératrice leur fit des procédés brutaux du faux cousin à mon égard, les perfides employèrent tous les soins imaginables pour me rassurer et me tranquilliser l'esprit. Cependant, elles se flattaient que ce n'était que partie remise et que je leur ferais gagner tôt ou tard le restant du marché. Mais heureusement, je n'en eus que la peur. Le lendemain au soir, j'appris, avec une joie extrême, que l'homme en question nommé M. Croft, et qui était un marchand des plus considérables, venait d'être arrêté par ordre du roi sous l'inculpation de s'être indûment approprié près de 40 000 livres par des opérations de contrebande. Ses affaires étaient, disait-on, si désespérées que, en eût-il encore le goût, il n'avait le moyen de poursuivre ses vues sur moi, car on venait de le jeter en prison, et il n'était pas probable qu'il en sortirait de sitôt. Madame Brown, persuadée par le mauvais succès de cette première épreuve, qu'il fallait, avant de faire de nouvelles tentatives, essayer d'adoucir mon humeur sauvage, crut que le plus sûr moyen était de me livrer aux instructions d'une troupe de filles qu'elle entretenait à la maison. Conformément à ce beau projet, elles eurent toute liberté de me voir. En effet, l'air délibéré de ces folles créatures, leur gaieté, leur étourderie, me gagnèrent tellement le cœur qu'il me tardait d'être agrégé parmi elles. La timide retenue, la modestie, la pureté de mœurs que j'avais apportée de mon village se dissipèrent en leur compagnie comme la rosée du matin disparaît aux rayons du soleil. Madame Brown me gardait pourtant toujours sous ses yeux jusqu'à l'arrivée de Lord B, de Bath, avec qui elle devait trafiquer de ce joyau frivole, compristant, et que j'aurais donné pour rien au premier crocheteur qui aurait voulu m'en débarrasser. Car dans le court espace que j'avais été livrée à mes compagnes, j'étais devenue si bonne théoricienne qu'il ne me manquait plus que l'occasion pour mettre leurs leçons en pratique. Jusque-là, je n'avais encore entendu que des discours. Je brillais de voir des choses. Le hasard me satisfit sur cet article lorsque je m'y attendais le moins. Un jour vers midi, que j'étais dans une petite garde-robe obscure, séparée de la chambre de Madame Brown par une porte vitrée, j'entendis je ne sais quel bruit qui excita ma curiosité. Je me glissai doucement et je me postai de telle façon que je pouvais tout voir sans être vue. C'était notre révérende mère prieure elle-même, suivie d'un jeune grenadier à cheval, grand, bien découplé, et, selon les apparences, un héros dans les joyeux débats. Je n'osais faire le moindre mouvement, ni respirer, de peur de manquer, par mon imprudence, l'occasion d'un spectacle fort intéressant. Mais la paillarde avait l'imagination trop pleine de son projet présent pour que toute autre chose fût capable de la distraire. Elle s'était assise sur le pied du lit, vis-à-vis de la garde-robe, d'où je ne perdis pas un coup d'œil de ses monstrueux et flasques appâts. Son champion avait l'air d'un vivant de bon appétit et expéditif. En effet, il posa sans cérémonie ses larges mains sur les effroyables mamelles ou plutôt sur les longues et pesantes calebasses de la mère Brown. Après les avoir patinées quelques instants avec autant d'ardeur que si elles en avaient valu la peine, il la jeta brusquement à la renverse et couvrit de ses cotillons sa face bourgeonnée par le brandy. Tandis que le drôle se débraillait, mes yeux eurent le loisir de faire la revue des plus énormes choses qu'il soit possible de voir et qu'il n'est pas aisé de définir. Qu'on se représente une paire de cuisses courtes et grosses, d'un volume inconcevable, terminé en haut par une horrible échancrure hérissé d'un buisson épais de crins noirs et blancs, on n'en aura encore qu'une idée imparfaite. Mais voici ce qui occupa toute mon attention. Le héros produisit au grand jour cette merveilleuse et superbe pièce qui m'avait été inconnue jusqu'alors et dont le coup d'œil sympathique me fit sentir des chatouillements presque aussi délectables que si j'eusse dû réellement en jouir. Puis le drille se laissa tomber sur la dame. Aussitôt, les secousses du lit, le bruit des rideaux, leurs soupirs mutuels m'annoncèrent qu'il avait donné dans le but. La vue d'une scène si touchante porta le coup de mort à mon innocence. Pendant la chaleur de l'action, glissant ma main sous ma chemise, j'enflammais le point central de ma sensibilité, et je tombais tout à coup dans cette délicieuse extase où la nature, accablée de plaisir, semble se confondre et s'anéantir. Quand j'eus ainsi repris mes sens pour être attentive au reste de la fête, j'aperçus la vieille dame embrassant comme une forcenée son grenadier, qui paraissait dans cet instant plus rebuté que touché de ses caresses. Mais une rasade d'un cordial qu'elle lui fit avaler et certains mouvements officieux lui rendirent bientôt son premier état. Alors j'eus tous les loisirs de remarquer le mécanisme admirable de cette partie essentielle de l'homme. Le sommet écarlate de l'instrument, ses dimensions, un buisson qui en ombrageait la racine, joint au vaste gousset qui l'accompagnait, tout fixa mon attention et augmenta mes transports, qui ne firent que s'accroître par l'aspect des plaisirs d'un second combat, que ma position me fit voir distinctement. Avant de congédier son gars, Madame Brown lui mit 3 ou 4 pièces de monnaie dans la main. Le drôle était non seulement son favori, mais celui de toute la maison. Elle avait eu grand soin de me tenir cachée, de crainte qu'il n'eût pas la patience d'attendre l'arrivée du Lord, à qui mes prémices étaient destinées, car on ne se serait point avisé de lui disputer son droit d'aubaine. Aussitôt qu'ils furent descendus, je volai à ma chambre, où, m'étant enfermée, je me livrai intérieurement aux douces émotions qu'avait fait naître mon cœur le spectacle dont je venais d'être témoin. Je me jetai sur mon lit dans une agitation insupportable, et ne pouvant résister au feu qui me dévorait, je recours à la triste ressource du manuel des solitaires. Mais malgré mon impatience, la douleur causée par l'attouchement intérieur m'empêcha de poursuivre, jusqu'à ce que Phoebe m'eût donné là-dessus de plus amples instructions.